Le 27 mai, le docteur Ferguson n'eut pas un moment de repos. Le Victoria baissait d'une manière sensible. Ce nouveau rocher de Sisyphe retombait incessamment. « Allégeons-nous, dit le docteur. Débarrassons-nous de la tente. » Le ballon s'était relevé un peu, mais bientôt, il devint évident qu'il se rapprochait encore du sol. Maintenant, le vent très fort précipitait le Victoria vers des pics aigus. Il fallait s'élever à tout prix, sous peine de le heurter. « Vite notre caisse à eau, dit Ferguson. Ne réservons que le nécessaire pour un jour. » La provision d'eau du chalumeau fut également jetée au dehors, mais cela fut encore insuffisant. « Jetons les caisses, dit Kennedy. « Voilà, fit Joe. » Le Victoria avait regagné en hauteur une vingtaine de toises, mais la crête de la montagne le dominait toujours. « Dans 10 minutes, dit le docteur, notre nacelle sera brisée contre ces roches si nous ne parvenons pas à les dépasser. »« Eh bien, monsieur Samuel, fit Joe, ne conserve que notre provision de pemmican et jette toute cette viande qui pèse. » Le ballon s'éleva très sensiblement. La situation était effrayante. « Dick, tu te tiendras prêt à sacrifier tes armes. » « Sacrifier mes armes ? Tes armes, tes provisions de plomb et de poudre peuvent nous coûter la vie. » Joe prit les couvertures et les précipita au dehors. Sans en rien dire à Kennedy, il lança également plusieurs sacs de balles et de plomb. Le ballon remonta, mais la nacelle se trouvait encore un peu au-dessous des quartiers de roc. « Kennedy, Kennedy !» s'écria le docteur. « Jette tes armes ou nous sommes perdus !»« Attendez, monsieur Dick !» fit Joe. « Attendez !» Et Kennedy se retournant, le vit disparaître dehors de la nacelle. « Joe, Joe » cria-t-il. « Le malheureux !» fit le docteur. La crête de la montagne pouvait avoir en cet endroit une vingtaine de pieds de largeur, et de l'autre côté, la pente présentait une moindre déclivité. La nacelle arriva juste au niveau de ce plateau assez uni. Elle glissa sur un sol composé de cailloux aigus qui criaient sous son passage. « Nous passons ! Nous passons ! Nous sommes passés !» cria une voix qui fit bondir le cœur de Ferguson. L'intrépide garçon se soutenait par les mains au bord inférieur de la nacelle. Il courait à pied sur la crête, délestant ainsi le ballon de la totalité de son poids. Il était même obligé de le retenir fortement, car il tendait à lui échapper. Lorsqu'il fut arrivé au versant opposé et que l'abîme se présenta devant lui, Joe, par un vigoureux effort du poignet, se releva et s'accrochant au cordage, il remonta auprès de ses compagnons. « Pas plus difficile que cela, » fit-il. « Mon brave Joe, mon ami, » dit le docteur avec effusion. Le soir arriva rapidement. Le docteur dut se résoudre à faire halte jusqu'au lendemain. Le Victoria, qui rasait le sommet de forêts immenses, ne tarda pas à s'arrêter brusquement. Ses ancres étaient prises. Le vent tomba avec le soir et il demeura presque immobile au-dessus de ce vaste champ de verdure formé sur la cime d'une forêt de sycomores.